Je suis dans un cauchemar. La voiture accélère, je suis à Moscou sous vodka avec Vladimir. Sous les drames sur ma mère qu'elle va gémir. Et comme ça je sais qu'elle va me revenir. Mon pote on tabasse, si on sort le PS38, ton existence sera qu'un très court paragraphe. Un convoi de trois clashs et noirs à la suite. On remonte l'avenue des champs, bien sûr qu'on fait raf. Mon nom circule beaucoup dans cette chicha. On va rentrer assis et tous les mettre à terre. T'as cru qu'on était tes petites putes que tu niques. On va te montrer des hommes, on va te monter en l'air. Prends du champagne, toi nique ta mère de la table. T'as pas honte, t'as sucé tout Paname. Aucun chantage, dis au revoir à jamais. Si mes amis t'emmènent en balade. Si tu cherches la merde, aller-retour en crosse. Aller-retour en crosse, comme Rick Ross. J'brasse de l'oseille ta mère, on se tire dessus comme des corses. Prends tes forces, aller-retour en crosse. Aller-retour en crosse.